comment, comment, oh, comment ça s'est fait toute cette histoire? Comment ça s'est fait? Mais comment ça s'est passé? Comment on l'a laissé passer? Comment on l'a laissé vu? Qu'on l'avait vu venir vu? On l'avait vu, on l'avait su, comment on l'avait vraiment verrouillé au Moyen-Âge, après les croyances, qu'on avait pourtant depuis le temps que l'on patient. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, aime la cadence. J'aime la cadence. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Aime la cadence, aime la cadence, avec le droit de vote, de sa tête, de son pied, Jean Petit qui danse. Jean Petit qui danse, aime la cadence, aime la cadence, de son pied d'été, de sa tête, de son bras, After the connection, because we try, we fail, we try again to fail better, just to fail better with our friends, a new friend, about to listen yeah, yeah. No. Is the only I want to don't forget the power of sound. Rhizomatique with you, sister, yeah. À l'envers, à l'endroit. à l'envers de l'endroit et me suffirait d'un signe pour croire que je suis dans le monde. Comme sur un tapis volant, je vole, je survole la réalité grâce à vous. About to be me with you, my friend. Holy, my baba, my just no wait, no wait, no hope. Possible. placebo, placebo. Mountains, we never surrender. Wadi et Yann Rouge dans le Piémont vous envoient les meilleurs ondes, les meilleurs vues, la possibilité. Moi je vais faire pipi. Bon, partage ton dernier coca. Comme ça tu vas pas boire. C'est pas du coca. Non, moi je partage le dernier coca qui est là. C'est du Jack Coca. Je veux pas du Jack Coca, moi je veux du Coca pour rentrer en voiture. Une orange. Une orange. Tout s'arrange. Comme Major Tom. Voyez l'orange. Bleu. The people. To you, goodbye Lenin, goodbye Stalin. I want to say to you, goodbye Reagan, goodbye Thatcher. J'ai vu le mur tomber. J'étais gamin quand j'ai vu le mur de Berlin tomber. Une fracture qui tombait, une possibilité. A Cold War dream. Post-war, Cold War dream. War in the West, war in the South. Everywhere is war. It's a morning, it's a new morning, we need a new dawn, a new day, a new life for you. Oh, we just have to create, just have to make. We just have to try. Try it, fail it. Try again, try it. Just to fail better. Try it, fail it. Try it, yeah. Just to fail better. Diamonds are forever. Thank you. This is almost the end for me. About to make music. Can you say? Thank you. Papa, need you to restore my. No way, no hope. Oh, the Savior. No God, no Master. Yes, I know. Trash. Republican, we all are here. Liberty. Fraternité. Ok, on consolide. Quand c'est la case la gueule, la gueule, la gueule, la gueule, la gueule, la gueule, la gueule, just a gigolo. And everywhere I go, c'est ma dernière. This is the last one for me. Bande de hyènes. No. Lol. You imagine the pressure. Ah ouais, imagine, exactement. Imagine the pressure. Un truc love, avant que tu prennes la route. Sinon, je vais me foutre dans le décor. Attention. Imagine all the people. Tu veux que je me foute dans le rap? We follow. Tu vois, par exemple, moi c'est Tchatch, il reste jamais quand je suis là. Quand il y a. Ah oui. T'es vraiment trop bourré. T'es vraiment. Si, c'est eux en fait. Mon trop bourré. Mon bourré. Vraiment. allez, vous pouvez aller, vous pouvez aller. T'es vraiment trop bourré, mon copain. Tu devrais sans doute pas prendre la route. Allez, en techno maintenant. T'es vraiment trop bourré. Ça fait un truc de l'été. T'es vraiment trop bourré. On n'a plus rien droit de dire maintenant, hein. T'es vraiment trop bourré. My friend. Allez. Tadadam. Tadadam. Even trying to unplug will be a challenge. There's too many cables and I won't be able to get away from this. Get away from the shit. Oh, I'm gonna be able to unplug this. Partons sur notre base. Moi le dieu dans le nine. Moi l'OTAN j'aime pas trop. Bon, j'ai pas le choix. Je suis parti de ce camp. Je suis dans l'OTAN. Pareil. Le camp de l'Ouest. It's the West. It's the best. It's the West. It's the best. Oh, because I'm the best. Ah, Tom Cruise on the place. On my, better on my way. Better. Occupy the place. Oh, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. En pleine action. Tout en muscles. En action. C'est la puissance. The power of America. Welcome in America. Oh, do you want to be in America? Oh. The Mary, the Newton, Newton. Welcome in America. In America, it's a new dawn, a new way, a new dawn for you, for me, for the family. Oh, a new dawn. Welcome in America. Welcome in America. Welcome in America. All the fresh of an American dreams, all the fresh of an American dreams, on all the fresh. All the fresh. All the fresh of an American dream. All the fresh of an American. All the fresh. All the fresh. All the fresh. All the fresh of an American dream. All the fresh. All the fresh of an American. All the fresh. Welcome in America. Welcome in America. Welcome in America. Welcome in America. Welcome in America. Welcome in America. Welcome my son. Welcome in America. But don't bother, we don't bother, it don't bother. You alone, bother. I'm getting those curves. I'm getting nosy. I'm getting too much speed and new life. Maybe being too bold. I'm being too bold. Tengo mala gracia. Tengo la suerte. Me voy a tomar esta curva. Welcome in America. Welcome in America. Con el speed, con el motor. Welcome in Europe. Say. Suficiente, lo vaya. Yo le voy a lograr. Voy a lograr. Schengen. Me voy a lograr. Welcome in Europe. Me voy a lograr esta locura. Welcome in Europe. Welcome in Europe. Welcome in Europe. Welcome in Europe. Le Europa. Depuis les 27. Sauf pour ceux qui viennent du sud et de l'est, ça dépend des côtés. Welcome in Europa! Welcome in Europa! Welcome in Adam! Welcome! A new dawn, a new day, my boy! For you, for me. All the families, welcome. Welcome, a new world. All the people for the new world. All around the world. It's a beautiful ride. Just around the world. It's a beautiful ride. Yeah, man, for the new world. Yes. It was amazing. Thanks a lot. I'm going away, but maybe... It's a beautiful ride. Bye bye. Love you all. You're amazing. Okay. Well, thank you guys. That was a good run. Bye. See ya.